On va te baiser deux fois comme une meuf raciste. Même si toi je baisse pas, je t'exorcise. T'es des fondation que j'extermine. Extrême ligne, vie comme une âme en peine dans un vestiaire vide. J'agis tout seul selon l'expertise. J'arrive au calme pour les divertir. Y'a tout le monde qui gueule comme le désertis. Dan, si le game est bloqué, je vais brûler le casino. J'suis dans mon film comme Tarantino. VALD ou Valentino. J'compte le bénéf en kilo. Fuck un appart, j'veux ilo. J'm'en souviens quand j'étais idiot. Y'a pas de minute ego. J'suis bloqué dans le tunnel, j'entends l'avalanche. Ce monde est cruel, y'en a qu'on de la chance. Garce à mes pieds sur un tapis, j'avance. Mes dates amoureux font entretien d'embauche. J'suis tape dans la ch'te, me griffe sur la hanche. La frappe est dans le sac et la griffe sur la hanse. Le temps n'existe pas un an après la sortie, j'ai toujours pas touché mon avance. Halloween, Halloween, tous les jours Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, tous les jours Halloween, Halloween. Ce monde est cruel, donc je m'attends au père. De 3 millions, je suis le même en père. Que la nuit, je traîne avec des vampires. Je vois ma haine, je vois ma gueule trop en gros. Les enfers sont vides, tout le monde est venu chez moi. Des reptiles à sang froid qui n'ont pas froid aux yeux, sont même velus des doigts. C'est pour ça que je décolle, comme une aimant, j'évolue depuis les toits. Mais je perds pas d'espoir, je baise et je fume, même si c'est plus d'extase. Je veux pas te voir, ça me fout le cafard, je vais rouler ma batte. Jean cadenassé dans le placard, tous les jours je rabatte, même sous le dans l'appart. La fortune du Qatar pour trouver la paix comme Kurt Cobain. Je vais trouver la voie ou me faire kidnapper dans un mer Cobain. J'suis pas là, j'ai enquête. Comme j'suis pas là, elle enquête. Le rap français en kilt. J'vais les laisser en kilt. J'peux les laisser tranquilles. Ouais, mais j'vais les baiser, t'inquiète. Tous ceux qui prennent de haut, j'vais leur apprendre à baisser la tête. Elle m'appelle au secours, j'entends un demi-mot. Les autres garçons n'ont pas le niveau. Peuvent pas payer pizza domino. Encore un appel manqué. Si c'est l'argent, je rappelle aussitôt. Là pour cette vie, pas une autre. Enfin, la joie comme Danido. Halloween, Halloween.